This is money, I know honey. Ok, yeah. Baby, c'est pour toi que je fais ça. Je sais pas trop que ça va me mener. Je me promène de gauche à droite à nightlife. Ok, rap, Merle, BT rap dans le club, ok, ça se passe all night. But fuck that, Merle, BT rap, ok, essaye de donner plus qu'une track. Si chic, j'suis pas capable de débarquer de la track. J'me débarque pas du track, j'me débarque pas du nightlife. C'est back, fuck that, ok, amène le stack, stack. Amène-en du cash, il faut que ça fight. Merle, BT cash, pas sur K-Wack, ok, fuck that, c'est cool. Quand j'rap, c'est juste pour mettre les filles dans le mood. Si je prends l'oreille, c'est parce que j'veux que ça soit. Putain, je suis partout, ok, jusqu'à temps que je trouve ton spot. Je peux être hardcore. Mais c'est d'être juste correct, ça ligne. Check de toute façon, je me pas, je pas, je laisse ligne de coke, ça m'intéresse pas trop. Excepté le dos que ça rapporte, mais c'est pas moi qui le va, yo. Je me promène de gauche à droite, dans